sans motif. Oh, tu connais pas? Non. Vas-y, mais... Le savoir est une arme, les trois quarts sont ignorants. Ils se prennent pour des soldats parce qu'ils traînent en jogging orange. La vie ne fait pas la scar, est-ce qu'un jour le comprendras-tu? Tout le monde rappe en indé car aujourd'hui les contrats tuent. Je congratule que ceux qui s'en sortent sans piston. Aucun dit-on pour dire qu'on rappe, tue tes oreilles en les fistant distants. Car la vingtaine a tout fait pour m'égarer. Les potes c'est comme les femmes, quand t'as pas de thune c'est dur de les garder. Gardons la piste des règles, garde mon pic à des 16 qui coule. Ici c'est trois babdous qui gênent comme le cancer des testicules. Ça gesticule car je suis pas de ces français qui renient tout. Une jeunesse sans faiblesse, on fait partie de ceux qui renient tout. On mise tout sur ce qu'on a, il peut qu'on a, c'est bien trop peu. La vie est un long fleuve tranquille et tire que le titre est ton père. Je suis pas ton père, j'ai pas à te dire ce qu'il faut faire. Juste un conseil, méfie-toi du système et des faux frères. À l'instant où je te parle, c'est fond des remparts. On fait sans les remparts pour blinder le compte épargne. On se bat, on se bat, on se perd, on se perd. Après, c'est une résoie avec un verre, une chmer. J'ai baillé le blabla, moi je veux une vie clean. Ça sert à que je joue de la flûte, c'est que des bides en vitrine. Toi, me se mettre à l'affiche, se fonder une répute. La mode est à se montrer, j'aime ce qui est discret, je répète. Pour les coups de salope, ça discrète, ça divide. La vérité, y'a trop de gars qui se discréditent. Tu loin derrière le PC, l'autre dans la cabine. Du bon son sans erreur, comme t'as fait un copine. C'est psychopathe, soon, c'est pas drôle comme personne. En coupé, je démarre seul, car l'avenir marcelle. Eh, maintenant, je sais, avec le temps, on progresse. Peut-être si tu veux, mais les pros te baissent. J'avance avec des douleurs dans l'estomac. De sang froid, je suis à sec, pas encore dans mon hamac. Sous les cocotiers, sirop dans mon cocktail. Pour l'instant, c'est pas de quartier, pour l'instant, c'est pas le pactole. Même le synthol ne fait pas de bien ou ça me fait mal. Quand la douleur s'installe, y'a pas de pansement pour le moral. En ce moment, crois-moi, j'en aurais bien besoin. Le présent n'est pas chromé, faut que du futur je prenne soin. Plus facile à dire qu'à faire, plus ça file et plus je m'y perds. Appelle-moi John McClane, je passe des journées en enfer. On fait grimper les décibels comme une carrière dans les tours. Trois places au décimal, on est pas venu là pour faire dans la dentelle. Encore moins dans le détail, passe une pelle que je l'enterre. Cette idée de nous voir dans le bétail, de ceux qui espèrent encore un peu de considération. Arrêtez, ce mot est mort et ne revit que dans la fiction. We'll be right back.